Je pousse les boutons. OK, Romains chapitre 12. Et notre texte pour ce matin, c'est un tout petit paragraphe. Et je vais le mettre en contexte dans un instant. Mais comme vous voyez tout de suite, dans le verset 9, nous avons le thème pour ce petit paragraphe et le thème que nous allons explorer ce matin. Romains chapitre 12, à partir du verset 9. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle ou l'estime réciproque. Faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'assurance. La prière, qu'elle vous soutient, qu'elle soutient votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires. Toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Dans ce petit paragraphe, il est évident que Paul, en parlant aux Romains, aborde le sujet d'amour. Et dans ce petit paragraphe, il dit 5 choses sur l'amour. Évidemment, il en parle d'autres sujets aussi. Mais ce matin, j'ai décidé d'aborder la question et l'enjeu de l'amour. Surtout, c'est la fête des mères. Et certaines d'entre nous avons déjà perdu nos mamans. D'autres, nous allons cet après-midi, peut-être ce soir, fêter nos mamans. Mais veux pas, la Bible communique très clairement que la maternité et l'amour vont souvent ensemble. Et pour cette raison, j'ai décidé d'explorer ce thème ce matin. Mais j'ai décidé de le faire pour une autre raison. Imaginez, chaque année, 350 mamans dans le monde meurent pendant le travail, pendant le processus d'accouchement. J'y pensais ce matin en me préparant. J'ai dit, ça c'est comme 50% de la ville de Québec meurent chaque année, simplement pendant l'accouchement. Et c'est des morts qui sont complètement évitables. Il n'y a absolument, il y a très peu de raisons médicales pour lesquelles des mamans en Haïti, dans l'Afrique, dans les pays pauvres, devraient ou doivent mourir en accouchant leur bébé. Et l'amour que nous voulons explorer aujourd'hui n'est pas simplement un amour nobriliste. Pas simplement un amour pour nous, mais un amour qui est ému, ému en action pour les tragédies humaines, comme ces 350 mamans qui vont mourir cette année dans l'accouchement. Et ce texte me semble nous oriente. Prions ensemble et ensuite on va mettre tout ceci en contexte et explorer les 5 choses qui sont dites sur l'amour ce matin. Prions. Seigneur, merci encore pour la façon que Moïse nous a introduit dans la louange ce matin. Merci pour les chants et pour la façon que Daniel nous a animés. Et maintenant, Seigneur, nous tournons vers ce texte. Et nous prions pour nos mamans, les mamans ici présentes et les mamans dans notre Église. Nous prions pour les mères à l'échelle du monde et pour tout ce qu'ils donnent pour leurs enfants. Et Seigneur, nous voulons apprendre à aimer davantage et d'aimer comme tu nous invites à aimer. Et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Le texte dans lequel nous nous trouvons ce matin fait partie de deux contextes assez importants. Tout d'abord, il y a le contexte de la ville de Rome. Une ville à l'époque de Paul qui dépassait facilement 1 million de personnes. C'était la ville, pas simplement des villes, mais la ville de l'Empire romain. Donc, une ville imposante. Une ville qui était incroyablement cosmopolite, avec toutes les ethnies de l'Empire romain à l'intérieur de ses murailles, plusieurs coutumes différentes, beaucoup de langues différentes, malgré le fait que le latin et le grec étaient les langues de tous les jours. Rome s'estimait de loin supérieure, pas simplement à toute autre ville dans le monde à cette époque-là, mais les habitants se voyaient supérieurs aux autres humains à l'époque. Dans ce contexte aussi, c'était une ville hyper hiérarchisée économiquement parlant. Il y avait une petite minorité, probablement moins que 1% de ce million de personnes qui était la noblesse, l'élite. Et c'était une couche supérieure de sénateurs, on les appellerait aujourd'hui les politiciens. Il y avait les gens qui avaient par leur naissance, depuis plusieurs décennies, générations, avaient le pouvoir absolu, dont César, était le summum. Et il y avait des couches inférieures, une classe moyenne très petite et une vaste groupe de démunis, ce qu'on appelle les doulos, les serviteurs. Et ce qui est fascinant, dans la vaste majorité des lettres de Paul, comment est-ce qu'il s'identifiait? Un doulos de Jésus. Pas simplement parce que spirituellement, il se voyait comme un serviteur, mais c'était aussi sa façon de s'identifier avec la majorité des gens. Romains chapitre 12, et voici le deuxième contexte, commence la section sur la vie de disciples. Les 11 premiers chapitres touchent les profondeurs de qu'est-ce que ça veut dire d'être justifié par la fidélité de Jésus. Et comment faire partie de la communauté. Et à partir du chapitre 12, maintenant, Paul va s'expliquer. Une personne qui est acquittée par la fidélité de Jésus, qui est justifiée par la fidélité de Jésus, comment est-ce que cette personne dans sa communauté vit? Donc, dans les versets 1 et 2 du chapitre 12, Paul dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Dans les versets 3 et 4, il parle de la vie dans la communauté et dans les versets 6 à 8, il parle des dons. Donc, le vécu est vraiment sur la vécue dans la communauté, pour ainsi dire, comment être un disciple, comment suivre Jésus à la lumière de ce que Dieu en Jésus-Christ a fait pour nous. Et tout de suite, il dit, l'amour ne sait pas mentir. Ou, peut-être dans votre édition, c'est traduit que l'amour soit sans hypocrisie. Donc, la première chose que nous apprenons dans nos textes ce matin, c'est que l'amour doit être en tout premier lieu authentique. Ensuite, il va continuer au verset 10. Il va dire par l'amour fraternel. Donc, il va nous expliquer c'est quoi l'amour fraternel. Et aussi dans le verset 10, il va aborder une troisième dimension. Et il va parler de la mutualité dans l'amour. Rendu au verset 13, à la fin de ce petit paragraphe. Il va parler d'un amour qui est pratique, qui subventionne ou qui soutient les gens pratiquement. Et finalement, il va parler d'un amour hospitalier. Donc voici les cinq choses qu'on va explorer. Juste une autre petite chose sur ce paragraphe. La façon que Paul l'a écrit et que nous avons dans la vaste majorité de nos traductions, il n'y a pas de verbe principal. Dans ce texte, c'est simplement une série de très bonnes réflexions sur le vécu en communauté de ceux qui ont été justifiés par la fidélité de Jésus. Pour ainsi dire, il n'y a pas un commandement ici, mais plusieurs. Il n'y a pas une ligne directrice, mais plusieurs lignes directrices. Il n'y a pas une action à entreprendre, mais plusieurs actions. Point d'action. Et pour cette raison, j'ai décidé juste de mettre en évidence ces cinq choses qui sont dites sur l'amour ce matin. Commençons avec le premier. Dans mon édition, ça dit « L'amour ne sait pas mentir ». Et je dois admettre que j'ai longuement mijoté cette affaire cette semaine. Et j'aime la façon que c'est traduit dans mon édition. Mais comme j'ai dit, peut-être dans le vôtre ou dans d'autres textes, ça dit que l'amour soit sans hypocrisie. Vous n'êtes pas sans savoir que ce mot hypocrisie, n'a pas les mêmes racines que notre mot en français, hypocrite ou hypocrisie. À l'époque de Paul, et surtout dans la grande ville de Rome, où il y avait, croyez-le ou non, une cinquantaine de théâtres. Ce mot vient du milieu théâtral. Et juste pour vous rappeler, des comédiens, à l'époque du théâtre latin, du théâtre romain, un comédien jouait plusieurs rôles différents. Et la façon qu'un comédien a changé son rôle était avec une masque. Donc, le même comédien ou la même comédienne pourrait être à la fois une vieille dame, une jeune dame, une enfant, ou un garçon, un plombier, un militaire. Mais plutôt d'avoir des différentes personnes qui venaient sur scène pour jouer ce rôle, c'était la même personne et la personne changeait son rôle avec la masque. Donc, en faisant du théâtre, la personne venait sur scène avec ses masques. Donc, imaginez, il fallait être un excellent comédien pour ne pas se tromper de masque. Et le terme en grec pour une telle personne, c'est que cette personne était un hypocrite. Mais ce n'est pas péjoratif. Dans les textes latins de l'époque, on disait souvent que les gens étaient capables de dire une chose et être une autre. Où une personne pouvait sortir sur scène les mêmes, mais ils ne rentrent pas les mêmes. Et quand quelqu'un n'était pas un bon comédien, on disait que cette personne était inapte à jouer sur la scène. Cette personne était un authentique. Cette personne était un hypocrite. Et Paul a pris ce mot. Et lorsqu'il a pensé à l'agapé, l'amour inconditionnel de Dieu en Jésus-Christ envers l'humanité, il communiquait l'idée que Dieu en Jésus-Christ était inapte à jouer sur les scènes. Dieu n'était pas un comédien. Il était un vrai. Il était intègre. Il était sincère. Il était authentique. Pas de masque. Donc, la première chose que nous voyons ce matin, c'est que Paul dit qu'il faut que notre amour soit sans dissimulation, qu'il se soit non contrefait. Dans la lettre de Paul aux Romains, jusqu'à ce paragraphe ici, il n'a mentionné l'amour que quatre fois. Regardez ce que Paul a dit sur l'amour. Tournez tout d'abord à Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 et le verset 5. Voici la première chose que Paul mentionne l'amour. Ben, faut lire le contexte. Verset 3. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. On a espérance, ne risque pas d'être déçu, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, la première chose que nous apprenons, c'est que l'amour de Dieu en Jésus-Christ, ce n'était pas les petites gouttes, mais a été versé par l'Esprit. Continue. Verset 8. Paul écrit. Oups, pas le verset 8. Oh oui, oui, le verset 8. Excuse-moi. Pas le bon verset. Excusez-moi, je ne me suis pas marqué les choses bien dans ma Bible, dans mes notes. En tout cas, la prochaine citation se trouve à la fin du chapitre 8. Tournez à la fin du chapitre 8. Verset 35. Qu'est-ce qui pourrait nous arracher de l'amour du Christ? Écoutez la liste. La détresse, l'angoisse, persécution, faim, misère, danger, l'épée. Verset 37. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, Paul dit. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourrait nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, pour Paul en Romains, l'amour a été versé dans nos vies. Il n'y a absolument rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et maintenant, en chapitre 12, il nous dit que votre amour soit comme cet amour. Il faut que notre amour soit vrai, authentique, sans dissimulation. Et ça soulève tout de suite la question, mais comment est-ce que nous pouvons aimer comme Dieu nous a aimés? Mes amis, impossible. Je ne suis pas capable. Et pour cette raison, je pense que Paul a commencé ses réflexions sur l'amour en Romains avec le chapitre 5 et le verset 5 pour nous rappeler la seule façon que moi je peux aimer comme Dieu m'a aimé en Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque de Paul, il y avait plusieurs notions de l'amour. Pour ainsi dire, il y avait des mots différents pour donner un portrait différent. Et pour cette raison, Paul a insisté sur l'amour inconditionnel. Pas simplement un amour fraternel, pas simplement un amour sexuel, pas simplement un amour familial. Il va en parler de l'amour familial et fraternel dans un instant, mais en tout premier lieu, que cet amour inconditionnel, cet agapé de Dieu, il faut que ça, elle soit sincère. Et la seule façon que je peux aimer inconditionnellement, comme Dieu m'a aimé, c'est par le Saint-Esprit qui nous donne. Donc, avant de nous culpabiliser avec un si haut standard, il faut que nous nous reposions dans le travail de l'Esprit dans nos vies. Quand moi j'ai été aimé en Jésus-Christ, je peux aimer par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Donc, la première chose que nous apprenons ce matin, c'est qu'il faut que l'amour soit authentique. Et peut-être ce matin, vous vous trouvez dans des relations ou dans des situations où vous avez la misère de sentir quelqu'un. Où vous dites, c'est quoi la différence d'un amour authentique? C'est la vengeance. Ça, c'est le contraire. C'est pas la haine. Parce que la haine peut être passif. Au contraire, c'est la vengeance. Je vais me vindiquer. Je vais avoir raison. Je vais faire ma justice. Mes amis, si Dieu avait décidé de poursuivre sa justice, nous ne serions pas ici ce matin. On n'a pas mérité ce qui nous a été dû. Mais dans l'amour authentique, non hypocrite de Dieu, il m'a aimé inconditionnellement. Et le texte dit ici, que votre amour ne sait pas mentir, mais par l'Esprit. Donc la deuxième chose, verset 10. Maintenant, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Donc, la deuxième chose que Paul dit maintenant dans le texte, il dit, il faut que notre amour soit fraternel. Et dans le texte, c'est comme Paul dit littéralement, que votre amour familial, les uns envers les autres, soit tendre, soit plein d'affection, soit chaleureux. Littéralement, il y a un jeu de mots dans le texte. Parce que cet amour familial, il faut qu'il soit Philadelphie. Un amour fraternel. C'est comme Paul se répète dans le texte. Il voulait souligner le point. Il faut qu'il y ait un amour fraternel parmi vous. Mais il faut que cet amour fraternel soit tendre. Soit plein d'affection. Une chose que j'aime, quand je viens ici, à Rodewa, je ne veux pas t'embarrasser, Moïse, mais chaque fois que Moïse me voit, il est très tendre envers moi. je dis, moi j'aime voir Moïse quand je suis ici. Je sais que quand j'arrive à Roi des Rois un dimanche matin et Nicolas est là, Nicolas, il va tendre envers moi et on va se lancer tout de suite dans le politique. Parce qu'on partage les mêmes affections politiques. Et nos discussions sont toujours tendres. Que notre amour soit plein d'affection. Mais encore, je me souviens quand mes filles étaient jeunes et quand les chicanes sont poignées. Comme j'ai dit, je ne peux pas parler pour votre famille, mais dans notre famille, il y avait des chicanes. Peut-être votre famille, il n'y avait pas, mais chez nous, il y avait des chicanes. Et quand les filles ne pouvaient pas sentir l'un ou l'autre, et le chicane s'est poigné, soit Sandy et moi, ou moi, avons insisté. Les filles, vous allez vous asseoir et vous allez régler le conflit. Je ne peux pas, je l'haïs. Je dis, ajustons le ton une fois qu'on ajuste le ton, on va changer les mots. Mais on a toujours insisté que les conflits soient réglés afin d'arriver à cet amour familial. Des fois, ça prenait quelques secondes, des fois, ça prenait quelques heures, des fois, ça prenait des mois. Ce que je trouve fascinant, c'est que maintenant, mes filles ont 30 ans, 27 ans et 25 ans. Elles sont des grands amies. Elles ont dû apprendre l'amour fraternel, familial. Ma fille aînée, elle partira demain pour 3 mois. Elle va aller en France pour faire le chemin de Compostelle. Donc, elle prend un sabbatique de son travail avec son mari. Ils vont faire de la France en Espagne jusqu'à Portugal. C'est une pèlerinage spirituel. Et ces deux sœurs, une qui est à Vancouver, l'autre qui habite dans le même triplex, elles pleurent parce que leur sœur aînée partiront pendant 3 mois. Il y a cette affection. L'une pour l'autre. Mais aussi dans la communauté, il faut que notre amour soit fraternel, familial. Le troisième, donc un amour authentique, un amour fraternel. Maintenant, le troisième, aussi dans le verset 10. Par estime mutuelle. Ou, si vous voulez, par honneur, user de prévenance réciproque. Maintenant, le mot prévenance, ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Même, j'étais avec mon beau-frère hier et on discutait ce texte et on a dû aller dans le Petit Robert pour avoir l'heure juste sur le mot. Donc, j'ai dit, non, je vais retraduire parce que le mot prévenance, ça, c'est du vieux français. Donc, je le traduis comme ceci. Par estime réciproque, préférez l'autre, honorez l'autre. Donc, la troisième chose ici, c'est qu'il faut que notre amour soit mutuel. Maintenant, dans ce sens-là, ça veut dire que bibliquement, il faut que notre amour soit préférentiel. Parce que, selon ce texte ici, je dois aimer Daniel plus que je m'aime moi-même. Et il faut que j'aime Jacques plus que j'estime moi-même. Mais Jésus nous a rappelé qu'il faut aimer soi-même. Donc, je ne peux pas aimer Daniel si je n'aime pas moi-même. Et ce texte nous rappelle que si nous allons avoir cet amour mutuel, il faut que nous suivions les traces de Jésus. Regardez ce que Paul a dit sur cet amour mutuel en Philippiens chapitre 2. Gardez votre index dans le texte en Romains, mais tournez avec moi à ce texte qui est bien connu en Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 1er jusqu'au verset 11. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas l'affection et de la bonté les uns pour les autres, les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre dans l'unité, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non à ses propres qualités, mais à celles des autres. Et ensuite, Paul dit ceci. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est de ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Donc, comment vivent les versets 1 à 4? Cet amour, ces liens, cette réciprocité, cette mutualité. de ne pas mettre mes désirs et mes points de vue comme plus importants que les vôtres. Paul dit deux choses. Dans votre vie en Jésus-Christ, il y a un changement qui a eu lieu à cause de l'action de Jésus-Christ. Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé à lui-même, prenant la condition du serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point, tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, mes amis, la seule façon d'avoir un amour mutuel, un amour où je vous préfère sur moi-même, c'est en vivant ce que j'ai avec vous en Jésus-Christ et en suivant les traces de Jésus. Et il est tellement évident dans notre société hyper individualiste que je vais toujours réclamer mes doigts, mes désirs, mes buts, mon point de vue, et la communauté des gens qui suivent Jésus doit être contre-culturelle sur ce point-là. Et pour cette raison, Paul dit, l'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. Mais maintenant, tout de suite, on va dire, écoute, j'étais déjà un tapis dans cette église dans le passé, je ne veux plus être le tapis. Il faut que je me protège. Ou dans un petit groupe, écoute, l'autre, il veut toujours gagner les luttes, il veut toujours gagner les arguments. Et encore, mes amis, pour cette raison, on a besoin de l'Esprit et de Jésus. Imaginez si Jésus avait dit, en chemin vers le quoi? Et je me suis déjà traité... tapis par les Romains et les Juifs, j'en ai ras-le-bol. C'est ça que Satan a essayé de lui offrir lors des trois tentations. Satan voulait lui donner tout ce royaume sans passer par la croix. Mais Jésus a opté pour un amour mutuel, où il a mis l'humanité avant lui-même. Il y a d'autres façons de se protéger. Il y a d'autres façons de garder sa vie intacte. Mais ne faisons jamais un compromis sur un amour mutuel, sur cet amour mutuel. Cet amour où je priorise l'autre avant moi. Donc, un amour authentique, fraternel, mutuel. Maintenant, sautez au verset 13. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez en solidaire. Quatrième chose, c'est qu'il faut que l'amour soit un amour pratique. Incroyable en terre à terre. Et Paul arrive ici dans ce texte et il utilise un langage économique. Donc, subvenez aux besoins des saints. Subvenez aux besoins des chrétiens. Et Paul invite ses lecteurs ici de regarder les besoins des gens autour de nous et de créer une communion, un partage et de pouvoir aux besoins des gens, de venir en aide, de venir en secours pour les gens. Mais le langage ici est tout à fait économique, c'est tout à fait financier. Donc, pour cette raison, je dis que la quatrième chose que ce texte nous enseigne, c'est qu'il faut que notre amour soit un amour pratique, un amour tangible, un amour qui voit des besoins des gens tout d'abord chez nous. Et on dit, je vais venir en aide, tangible, pour les gens. Paul a envoyé la lettre aux Romains exactement pour cette raison. Tournez au chapitre 15 pour l'instant. Regardez ce que Paul dit à la fin du chapitre 15, à partir du verset 25. Pour l'instant, Paul a écrit, « Je vais à Jérusalem pour le service de ceux qui appartiennent à Dieu. En effet, les églises de Macédoine, de la Macédoine et de l'Achaïe ont décidé de mettre en commun une part de leurs biens pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. C'est une libre initiative de leur part, mais elles le leur devaient bien. Car si les non-juifs ont eu part à des biens spirituels qui appartenaient aux juifs, ils doivent bien à leur tour les assister de leurs besoins matériels. Lorsque je me serai acquitté de ces services, j'aurai remis à mes destinataires le fruit de cette initiative. Je prendrai le chemin de l'Espagne et passerai donc par chez vous. » Écoutez le verset 29. « Et je sais que lorsque je viendrai chez vous, ce serait avec la pleine bénédiction du Christ, une façon de dire, allez-vous aussi participer dans cet amour pratique pour les pauvres à Jérusalem? » Ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque de Paul, une famine désastreuse a décimé la Palestine. Et Jérusalem et les villes en Palestine souffraient énormément. C'était un désastre. Et Paul, dès le début de son ministère, en visitant les églises, a pris une collecte pour les pauvres à Jérusalem. Il en parle dans l'Épître aux Galates, il en parle dans l'Épître aux Philippiens, il l'a mentionné aux Thessaloniciens, il l'a mentionné aux Corinthiens, et maintenant il en parle ici. Parce que pour Paul, l'amour, oui, était authentique, fraternel, mutuel. Mais ce n'est pas simplement une idée. Il fallait qu'il soit aussi pratique. Je pense qu'il est pour cette raison qu'il y a quelques années plus tôt, Paul avait écrit ceci aux églises dans la région de Galate. Il a dit ceci. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Et le bien, ici, c'est un bien économique. Et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Donc, c'est la même chose ici. Le contexte, c'est les églises à Rome. Souvenez aux besoins des croyants. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent, OK, je vais partager mes biens avec d'autres chrétiens. OK, et c'est exactement ce que le texte dit. Mais le but du texte, comme dans le texte en Galate, c'était aussi pour tous les gens qui souffraient économiquement, financièrement. Donc, nous ne pouvons pas être sélectifs dans cet amour pratique. Il faut évidemment prioriser nos frères et sœurs dans le monde. Mais nous ne pouvons pas limiter cet amour simplement aux gens qui croient comme nous. Il faut que nous soyons libéraux, très libéraux, dans notre amour pratique envers ceux et celles qui souffrent. Et la dernière chose que Paul dit en chapitre 12, verset 13, « Toujours prêt à pratiquer l'hospitalité. » Donc, la cinquième chose sur l'amour, il faut qu'il soit hospitalier. Mais j'aime énormément le mot qui est utilisé ici pour hospitalité. C'est un philio, donc un amour fraternel, xénos, pour l'étranger. Donc, c'est un amour pour l'étranger. Donc, lorsque le texte dit ici de pratiquer un amour hospitalier, maintenant, si l'amour fraternel, mutuel et pratique visait en tout premier lieu les gens dans la communauté ou dans les églises dans la ville de Rome, le cinquième était très explicite. C'était pour l'autre. l'étranger, celui ou celle qu'on ne connaissait pas. Et dans une ville comme Rome, on comprend très bien pourquoi Paul l'a dit. Dans cette immense ville, avec toutes ses ethnies, avec toutes ses langues différentes, avec ses étrangers, ses fugitifs qui courent dans la capitale, il faut que l'Église soit démarquée par son amour hospitalier, par son amour pour l'autre, pour l'étranger. Mais ça faisait simplement partie de l'histoire juive. En Deutéronome, Exode, Lévitique, dans les psaumes, Dieu avait très clairement communiqué par les auteurs de l'Ancien Testament qu'il faut aimer l'étranger parce que vous aussi, vous étiez des étrangers. Et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, en Matthieu 25, Hébreux 13, 3 Jean 5, il faut que nous aimons les étrangers parce que Dieu en Jésus-Christ nous a aimés lorsque nous étions étrangers, spirituellement parlant. Donc, dans nos racines juives, que dans nos racines spirituelles, il faut que notre amour soit un amour hospitalier. Maintenant, si je comprends bien le texte, les versets 9 à 13, Paul s'adresse à la vie d'un disciple dans la communauté. Et tout ce qu'il dit dans ce texte est très explicite concernant nos actions à l'intérieur de nos communautés. Mais avec cet amour hospitalier, regardez maintenant ce que Paul dit. Et voici la charnière, voici le pivot. Parce qu'à partir du verset 14, Paul va maintenant parler de nos actions dans le monde. Écoutez le texte. Demandez à Dieu de faire le bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie avec ceux qui sont dans la joie, les larmes avec ceux qui pleurent. Ayez une égale considération les uns pour les autres, sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal pour le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qui appartient de faire justice, c'est à moi qui rend de chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ça serait comme si tu lui mettais de charbon ardent sur sa tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Donc, toute la deuxième partie du chapitre 12 tourne sur l'hospitalité. Et si je suis capable d'aimer l'étranger, ce qui suit va suivre. Donc, dans ce texte, Paul nous invite d'avoir un amour non hypocrite. Un amour familial les uns pour les autres, où on est tendre envers les uns les autres. Un amour mutuel, où je vais vous estimer comme plus important que moi-même. Un amour pratique, où je vais être libéral avec mes biens envers les gens. Et finalement, un amour hospitalier, où je vais accueillir l'étranger, celui qui est différent que moi. Et la conséquence, c'est que je vais être capable d'aimer le monde comme Dieu veut que je l'aime. Donc, ce matin, en fait, oui, les mères, mais en fait, avant tout, l'amour qui se trouve en Jésus-Christ pour nous. Et ce texte nous invite d'aimer les uns les autres avec ces cinq qualités parce que Dieu en Jésus-Christ nous a aimés. Prions ensemble. Seigneur, j'aimerais te remercier pour la façon que tu m'as parlé depuis quelques semaines à partir de ce texte en Romains et surtout dans ce passage. Et Seigneur, par ton esprit, je te demande de de parler aussi de ce texte à mes sœurs et à mes frères présents ce matin. Seigneur, nous voulons que notre amour soit comme ton amour. Merci pour l'esprit que tu nous as donné, qui nous donne le pouvoir, la capacité de te suivre. Et que dans notre quartier, que cette église soit reconnue comme un lieu d'amour. Un phare où ces cinq qualités soient évidentes pour nos voisins et nos voisines. Pas pour que nous soyons reconnus, mais pour que toi, tu puisses tirer toute la gloire, tout le crédit. Au nom de Jésus. Amen.